L'espagnol a, comme toutes les langues, beaucoup d'expressions courantes. Dans cette troisième partie de la méthode, nous verrons un bon nombre d'expressions qui vous seront très utiles. Vous apprendrez aussi davantage de mots de tous les jours et nous reverrons des mots et structures qui posent souvent des problèmes aux francophones. Avant de commencer, je vous rappelle l'attitude qu'il faut adopter en écoutant cette méthode. Il faut prendre son temps, se détendre et réfléchir. Dans cette troisième partie de la méthode, je vous laisserai retrouver davantage de mots. Des mots que l'on a souvent déjà vus. Et si vous sentez que vous n'avez pas acquis certains points déjà vus dans les méthodes débutants et perfectionnement ou dans les enregistrements précédents, n'hésitez pas à les réécouter. Commençons maintenant avec ce que j'appelle les verbes plus, car ces verbes sont généralement accompagnés de leurs amis des, a, con ou en. Vous n'aurez pas de problème avec ces structures, puisqu'il y a la même chose en français. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que parfois, ce petit mot qui donne un plus ne soit pas exactement le même dans les deux langues. Prenons pour commencer le verbe acabar, A-C-A-B-A-R, qui, suivi de D, signifie venir de, dans le sens d'avoir fini récemment une action. C'est un verbe régulier en ar. Utilisé seul, acabar signifie finir. Comment diriez-vous alors? Nous venons de manger. Acabamos de comer. Acabamos de comer. Ce qui est bien avec ce groupe de mots, c'est qu'il nous évite d'utiliser le passé lorsque l'on parle d'une action qui a eu lieu récemment. Comment dites-vous maintenant « ils viennent de lire ce livre » Acaban de leer este libro. Acaban de leer este libro. Dites-moi maintenant, je viens de laver la voiture. Acabo de lavar el coche. Acabo de lavar el coche. Si vous voulez maintenant donner acabar de au passé, utilisez acababa de, je venais de. En employant usted pour éviter toute ambiguïté, dites-moi, je venais de manger quand vous êtes arrivé. Acababa de comer cuando usted llegó. Acababa de comer cuando usted llegó. Je vous ai fait utiliser usted car llegó peut aussi signifier il ou elle est arrivé. Faire le ménage se dit limpiar la casa et s'écrit en trois mots. Limpiar, L-I-M-P-I-A-R, puis la, L-A, et casa, C-A-S-A. Toujours en utilisant le mot usted et avec il au pluriel, comment dites-vous? Il venait de faire le ménage quand vous êtes arrivé. Acababan de limpiar la casa. Acababan de limpiar la casa. Quand vous êtes arrivé? Cuando usted llegó. Dites maintenant la phrase entière. Il venait de faire le ménage quand vous êtes arrivé. Acababan de limpiar la casa cuando usted llegó. Acababan de limpiar la casa cuando usted llegó. Si vous aviez tutoyé votre interlocuteur, vous auriez dit llegaste. Les verbes réguliers en ar deviennent aste, A-S-T-E, au tutoiement. Donc, comment diriez-vous à un ami? Je venais de manger quand tu as appelé. Acababa de comer cuando llamaste. Acababa de comer cuando llamaste. Et pour tous les autres verbes, ceux qui ne se finissent pas en ar, vous utiliserez la terminaison iste, I-S-T-E, pour le tutoiement. En utilisant volver pour revenir, comment direz-vous? Je venais de laver la voiture quand tu es revenu. Acababa de lavar el coche cuando volviste. Acababa de lavar el coche cuando volviste. Il n'est pas utile de dire yo acababa de, puisque le contexte est clair. Ne soyez pas trop dépendant de yo. Utilisez-le juste quand vous êtes obligé. N'hésitez pas par contre à utiliser acabar de, qui est un verbe plus bien utile.